c'est dangereux, une femme qui n'a pas de tête et qui a un beau corps. Fait que le gars, il a des problèmes sexuels, ça, il débouche ça, fait que là, il est content, il en pleure dans la nuit, puis là, il va marier. Mais il est pris avec quoi après? Puis son chum, il a dit, marie pas ça, cette affaire-là. Ben oui, ben écoute, j'ai déjà acheté un alliant. Là, ben je peux pas y faire ça. On n'a pas de volonté créatrice. Là, j'avais quelque chose qui me venait dans la tête. On l'envoie chez Bernard de Montréal. On n'a pas de volonté créatrice. On sait que notre action n'est pas sûre. On sait qu'on n'a pas le contrôle. L'homme n'a pas le contrôle. Le problème avec l'homme sur la Terre, c'est qu'il n'a pas le contrôle. Mais Bernard, quand une personne fait un mouvement dans une direction, il a toujours en lui une expérience à assumer ou à vivre. Il y a une conséquence à assumer, mais est-ce que cette conséquence n'est pas déjà programmée? Everything is written on the wall. Tout est écrit sur le mur de l'invisible, mais c'est toujours en fonction de nos faiblesses. Bon, est-ce que cette personne-là... Fait que de dire que tout est écrit sur le mur, ça veut rien dire. Tout est écrit sur le mur, tout est su, mais en fonction de nos faiblesses. Vous voulez dire que notre avenir est marqué sur nos faiblesses? Notre avenir, c'est l'expression de nos faiblesses. Puis l'exploration de ce qu'on considère être notre force ou notre conscience. Ça va tellement loin, ça, ce que je vais vous dire là. C'est que notre avenir est l'expression de nos faiblesses. Puis si notre avenir était l'expression de notre force, réelle, fusion, intégration de notre énergie, il n'y a aucun voyant qui pourra voir dedans. Quand un voyant est capable de voir dans ta vie, c'est parce que ce qu'il voit, c'est du karma. Mais il ne peut pas voir votre potentiel. Ton potentiel est toujours en fonction des faiblesses que tu réussis lentement à développer, à ajuster. Mais la force là, la force intégrale de l'homme, la fusion de l'âme, de l'esprit puis de l'ego, il n'y a aucun voyant qui peut voir à travers ça. Parce que ça ne fait pas partie de l'astral. Ça ne fait pas partie du karma humain. Ça ne fait pas partie du karma de l'homme. Quand tu vas voir un voyant et qu'il te dit la semaine prochaine tu vas avoir un accident, c'est parce qu'il voit dans ton karma. Si tu étais dans ton énergie, il ne pourrait pas voir. Est-ce qu'une personne consciente peut, je dirais, être environnée d'événements qui sont, disons, karmiquement négatifs ou difficiles à vivre et savoir qu'il va se servir de cette rampe-là pour agir dans une force ou dans une dynamique de force? Tu parles d'une personne consciente? Oui, une personne consciente. Une personne consciente, elle va toujours se servir des événements dits difficiles ou négatifs pour constamment intégrer son énergie, Une personne consciente ne vit pas les événements négatifs dans la vie de la même façon qu'une personne inconsciente. Une personne inconsciente qui vit des événements négatifs dans la vie, elle les vit toujours par rapport à elle-même. C'est moi qui étais un sans-dessin, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est moi qui n'étais pas bon. Dans ce qu'une personne qui est consciente et qui vit des événements dans la vie qui sont négatifs ou difficiles, ne va jamais les vivre par rapport à lui-même. Il va toujours les vivre par rapport aux forces en lui. Donc, sa lutte va être avec ses propres forces. Sa lutte va être avec les forces qui créent dans sa vie des conditions difficiles, et c'est à travers cette lutte-là qu'il va en arriver éventuellement à intégrer cette énergie-là. L'homme, la conscience psychique supérieure ou la conscience créatrice, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas une conscience réflexive, ce n'est pas une conscience qui s'apitoie sur l'ego, c'est une conscience qui lutte contre l'invisible, contre son propre invisible. Fait que quand tu luttes contre ton invisible pendant des années et des années de temps, éventuellement tu en arrives à le mater. Tu peux pas faire autrement, tu es obligé de le mater. Tu n'as pas de choix. Parce que ta force devient trop grande, puis éventuellement, il y a un équilibre entre l'invisible et l'homme, puis éventuellement, il y a un équilibre dans la vie de l'homme. Mais pour ça, ça demande de la conscience, puis pour ça, ça demande que l'homme réalise que la vie, c'est une game. Jusqu'à temps que la vie soit réellement un processus créatif. Donc, pour les hommes, sur la Terre, la vie, c'est une game qui n'est pas sous notre contrôle, puis celui qui tient la meilleure main dans le blackjack, c'est l'autre bord. Ça, autant pour l'individu conscient. Je parle de l'individu inconscient. Inconscient. Ouais. Celui qui tient la main sur le blackjack, il est de l'autre bord. Il est de l'autre bord. Ça, c'est dans l'invisible. Ça fait partie de ton double ou ça fait partie des entités astrales, whatever it is. Tandis que pour l'homme conscient, la vie c'est une game, c'est encore du blackjack, mais éventuellement c'est lui qui contrôle la main. C'est ça la fusion de l'homme. C'est ça la fusion de l'homme, de la conscience supramentale. Faut que là, parce que l'homme va être rendu trop intelligent, il vient à un point où l'homme va devenir réellement intelligent. Ça veut dire quoi, se revenir, devenir réellement intelligent? Ça veut dire voir la game tout le temps. OK. Vous aviez déjà dit dans une autre conférence qu'un individu conscient dans les temps futurs aurait une conscience parfaite de la conséquence de ses gestes au large, pas seulement simplement pour lui, mais aussi pour les gens qui l'entourent. Est-ce que ce n'est pas ça en soi une forme de contrôle de l'avenir en soi, quand on connaît la conséquence de tous nos gestes? C'est parce que quand vous connaissez la conséquence de vos gestes, ça vous permet de comprendre l'étendue dans le temps de ces gestes-là. Donc, si vous êtes scientifique, par exemple, vous travaillez dans un laboratoire, vous travaillez dans une corporation qui fait de la grosse recherche, puis tu es conscient, puis tu es conscient de la conséquence de tes gestes en tant que scientifique, mais c'est évident qu'il y a des choses que tu vas mettre, il y a des produits que tu vas mettre sur la tablette, puis il y a des produits que tu vas éliminer, il y a des recherches que tu vas faire, puis il y a des recherches que tu ne feras pas. OK. Parce que tu es conscient des conséquences de tes gestes, ce que la science aujourd'hui n'est pas. OK. La composante qui permet à un individu conscient, là, ce qui se passe dans son mental, pour être non seulement conséquent pour lui-même, mais conséquent aussi pour les autres, c'est quoi ça? Quand tu es conséquent pour toi-même, tu es conséquent pour les autres. Ah, automatiquement. Automatiquement. Si tu es conséquent pour toi-même, tu es conséquent pour les autres. Si tu es conséquent pour toi-même de façon créative, tu peux pas être créatif pour toi et pas l'être autour de toi. C'est impossible. La conscience créatrice, c'est global, c'est universel, ça touche à tout. Par contre, c'est très difficile pour l'homme inconscient ou l'homme qui a beaucoup d'émotions ou l'homme qui vit à l'intérieur d'un éthos culturel extrêmement sensible à la conscience de la race, d'être conséquent pour lui-même. Parce qu'il a toujours peur de ne pas l'être pour les autres. Puis ça fait partie de son insécurité. OK. Est-ce que dans le même sens, vous diriez qu'une personne qui a la contenance de tout ce qu'il projette, donc de la contenance de tout ce qu'il voit de son avenir et de toutes les décisions qu'il projette dans l'avenir, est-ce que ça lui garantit la contenance de toute la dynamique avec les autres avec lesquels il fonctionne? En d'autres termes, est-ce qu'un politicien qui aurait la contenance de sa décision jusqu'à l'ultime serait comme... S'il était conscient, oui. Ça serait une garantie pour le peuple. Ça serait une garantie pour le peuple. Ouais. Un politicien qui serait conscient de son action au niveau de sa conscience mentale, automatiquement, deviendrait pour le peuple un père. OK. Mais est-ce que cette personne-là, ce politicien-là, comment j'expliquerais ça? Est-ce que c'est un individu qui vivrait en relation avec son temps immédiat ou avec une projection? Comme on voit souvent les politiciens faire dans leur campagne électorale des projections de 4 ans, 5 ans. Est-ce que c'est un individu qui fonctionnerait exclusivement pour le temps présent ou s'il se projetterait dans l'avenir? Il se projetterait dans l'avenir, mais un politicien comme ça, ça ne peut pas exister aujourd'hui. Un politicien conscient aujourd'hui, conscient, il serait assassiné. Bon, la raison, c'est pourquoi? Parce que étant conséquent avec sa conscience, il sera obligé d'être conséquent avec ses actes. Puis étant conséquent avec ses actes, il sera obligé de tout reviser ce qui ne va pas. Autrement dit, quand je dis reviser ce qui ne va pas, ça veut dire reviser ce qui ne va pas. Faire de l'ordre, ça veut dire faire de l'ordre. Ouais. Qu'il regarde la Constitution, qu'il regarde les droits des unions, qu'il regarde les whatever, il sera obligé de... Donc, il deviendrait, dans un sens, un dictateur bénévole. Pour qu'un politicien comme ça, ou un homme comme ça, mais ça serait un initié, ça. Pour qu'un initié comme ça se manifeste dans un peuple, dans un temps, avant que ça se fasse, ça va prendre du temps. Puis si ça se fait, ça va se faire à l'ombre. Puis si ça se fait à l'ombre, ça se fera plus dans le temps des nations, ça va se faire dans le temps d'une autre nation. Autrement dit, ça va faire partie d'un gouvernement invisible qui n'a rien à voir avec l'évolution de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, parce que l'évolution de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui est régie par les lois planétaires plutoniennes évolutives. Alors que ces hommes-là sont des êtres solaires, et s'ils travaillent au niveau de la politique mondiale, ils vont le faire ou ils le feront par rapport à des individus ou des hommes ou des mentalités ou des personnes dans le monde qu'ils seront obligés éventuellement de retirer de la circulation pour travailler avec eux sur un autre plan. OK. qui fait partie de la régence planétaire. Okay, c'est ces gens-là qu'on appelle la sixième race. Bon, ces gens-là qu'on pourrait appeler la sixième race racine. Ouais. OK. Bon, c'est cette personne-là, en étant conséquent avec son développement, est-ce qu'elle aurait la possibilité d'être totalement dégagée des influences planétaires fondamentales? Elle l'est, effectivement, elle l'est. OK. Est-ce que les gens qui seraient en contact devraient, avant d'être en contact avec cette personne-là, être libéré des influences planétaires ou se libérerait des influences planétaires à son contact? Il se libérerait à son contact. L'homme ne peut pas se libérer des influences planétaires seul parce qu'il est trop... Ça prend une fusion pour se libérer des influences planétaires. Mais s'il y a un homme qui a une fusion qui est suffisamment intégrée dans son énergie, cet homme-là pourra éventuellement permettre à des êtres de se libérer de leurs influences planétaires, parce qu'il aura ouvert pour eux un autre temps. Faut que les hommes entrent dans un autre temps. Ils peuvent pas rester dans le temps de la Terre. Faut qu'ils passent à un autre temps. À ce moment-là, les hommes seraient libérés des influences planétaires et commenceraient à former la base pour l'évolution politique, sociale, économique, scientifique, spirituelle d'une nouvelle race racine, mais qui serait totalement occulte, autrement dit, totalement invisible à l'homme d'aujourd'hui. OK. Quand vous dites dans un autre temps, est-ce que vous parlez d'un temps à venir ou d'un temps parallèle? Un temps parallèle. C'est un temps, donc, qui peut fonctionner avec le temps immédiat. Ouais, c'est un temps parallèle. C'est une autre dimension. C'est un monde parallèle. C'est un plan parallèle. Bon, ce temps-là, on peut le reconnaître comment? Parce que le temps, disons, du Journal de Montréal, le temps de tout ce qui est commun dans les boutiques de journaux, de ce qu'on voit à la télévision, ce temps-là, il est facile à percevoir. Mais l'autre temps, le temps parallèle dont on parle, on le perçoit à travers quoi? On le perçoit à travers le déplacement du véhicule éthérique dans un espace parallèle. C'est un autre monde. Oui, mais là, c'est moins évident, là, parce que le déplacement de... Bon. Quand vous dormez le soir, vous allez vous rêver. Mm-hmm. Vous allez dans l'astral. Ouais. C'est un plan parallèle. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. On nous dit qu'on est dans l'astral. OK. Alors, ça, c'est le véhicule astral. Bon, l'homme a un véhicule éthérique. Alors, l'homme peut se servir de son véhicule éthérique pour aller aussi dans un temps parallèle. Okay. Seulement, c'est un temps qui fait partie de sa conscience, alors que le plan astral ou le rêve fait partie de son inconscient. OK. Mais c'est le seul moyen d'identifier qu'on est dans l'autre temps. On n'a pas besoin de l'autre. Qu'on est... Ben là, c'est parce qu'on parlait de temps parallèle tout à l'heure, là, qu'on vivait le temps... C'est l'intemporel. Ces dimensions-là sont des dimensions intemporelles. Ça fait partie de l'organisation psychique de l'homme. Ça fait partie de l'organisation cosmique de l'éther. Ça fait partie de la nature humaine de la Terre, de la conscience de la Terre. Ça fait partie des nappes, des couches de la conscience de la Terre. C'est tout à fait normal qu'un individu qui est dans un processus de conscience vienne apprendre accès à cette forme de vie. Qui débouche là, oui. Qui débouche là. Ouais. Puis tant qu'on n'a pas débouché là-dedans, on ne fait pas partie de ce temps-là. Exactement. Exactement. Okay. On fait donc partie de l'autre temps qui est on un temps. On fait partie de notre temps. Temps astral, là, ni plus ni moins. C'est ça. Puis on est... Le temps expérientiel, le temps de l'âme. L'autre temps, c'est le temps de l'esprit. Ce qu'on vit là présentement, c'est le temps de l'âme. La preuve que c'est le temps de l'âme, c'est que tout ce qu'on fait, ça marche pas. Quand je dis que tout ce qu'on fait, ça marche pas, ça veut dire que... Tout ce qu'on fait se dégrade. Tout se dégrade. On part avec des grandes lueurs d'espoir, puis on finit avec un petit salaire. T'sais. On part avec des grandes lueurs d'espoir, puis on finit malade. Notre vie, elle va pas ce qu'on a voulu quand on est petit gars. Oui, avec l'espoir de l'âme. T'sais, on voulait devenir des grands médecins, on voulait devenir des grands ingénieurs, on est rendu petit cul chez Eaton. L'affaire, t'sais. On dirait que notre vie a débandé quelque part. T'sais. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de conscience créatrice. Donc, il est constamment aspiré par son astral, Puis, il y a des compartiments dans sa vie qui sont plus importants que d'autres. Dans un cas, c'est le travail, puis dans l'autre cas, c'est le mariage. Ça, c'est les deux grandes pierres d'achoppement pour l'homme. De sa programmation. Ouais. Puis après ça, il y a des supplants de ça, la santé, qui sont en relation avec les deux premiers. T'sais. Ça fait que, montre-toi pas pourquoi est-ce que les poètes n'ont pas été généreux par rapport à la vie. Parce que, dans le fond, ce qu'on vit, c'est pas de la vie. c'est de l'existence, c'est de la manipulation. Oh, ouais. Puis, c'est de la manipulation tellement au bout que si l'homme réalisait comment ou jusqu'à quel point c'est de la manipulation, il vivrait un grand retournement personnel. Mais nos écoles, nos sciences nous expliquent pas ça. L'ésotérisme est mort. Pour se dégager de la manipulation, vous parliez d'un temps parallèle, est-ce que ce serait l'ultime, je dirais, espace qu'il faut accéder, le fameux temps parallèle dont on parle, l'aspect éthérique dont vous parlez? C'est l'inévitable développement de la conscience humaine, c'est inévitable, il faut que l'homme en arrive éventuellement à passer à l'intemporel. Mais comment l'individu peut passer de son temps astral à l'intemporel? Comment il peut goûter un peu de l'intemporel pour au moins, je dirais, se confirmer qu'il passe d'un temps à un autre? Il ne peut pas se confirmer. L'homme ne peut pas goûter de l'intemporel un petit peu même pour voir si ça existe. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas de même. Ben non, parce que ça éliminerait tout le travail qui est nécessaire pour la destruction du doute, qui est la fondation même du passage dans l'intemporel. Ah, OK. Vous dites que c'est en éliminant le doute. Ah, ben c'est évident. Qu'on passe dans l'intemporel. Tu peux aller en astral, tu peux aller dans des écoles qui vont t'enseigner comment aller dans l'astral, puis sortir de ton corps le soir, puis revenir. Mais tu ne peux pas passer dans l'intemporel en allant voir des écoles. L'intemporel, pour que l'homme passe dans l'intemporel, pour que le doute soit totalement détruit, puis la destruction du doute, c'est la fusion. Pour faire un petit raccourci, il faut éliminer le doute de quoi? Le doute de ne pas savoir. Le doute de ne pas savoir. En d'autres termes, tout ce qu'on se pose comme question, il faut avoir une réponse. Tout ce qu'on n'est pas, on devrait même pas se poser de questions. Se poser des questions, ça fait déjà partie de notre ignorance. On devrait même pas demander des réponses à d'autres. On n'a pas demandé de réponse à personne. La raison qu'on demande des réponses à d'autres, c'est parce qu'on est insuffisant avec soi-même. Mais ça fait quoi comme conversation des individus qui se posent pas de questions? Des individus qui se posent pas de questions, c'est très intéressant. Ils se donnent des réponses. Ils se donnent des réponses. Vous en avez-tu déjà posé des questions dans la vie? Oui, oui, oui. Pas en public? Mais la condition de ces conversations-là repose... Non, regardez, la question est importante. Qu'est-ce que c'est important? On est-tu capable, nous deux, de se parler sans jamais poser de questions? Un se réponse, puis faire aller plus loin le processus de créatif? Là, vous l'amorcez ce soir? Non, je ne l'amorce pas là, mais je veux dire, pour le bénéfice de la salle. Oui, c'est vrai. De faire comprendre qu'on passe notre temps à se poser des questions, puis la raison qu'on se pose des questions, c'est parce qu'on n'est pas capable de se donner les réponses. La raison qu'on n'est pas capable de se donner les réponses, c'est parce qu'on a le doute de savoir qu'on le sait. Puis il n'y a personne d'assez intelligent dans le monde qui dit « Ouais, t'as raison! Ouais, t'as raison! » On a tous des petits crises de PhD qui disent « Non, t'as pas raison! » Puis des curés qui disent « T'as pas raison! » C'est ce que tu veux faire. Comment est-ce que tu veux que nos enfants grandissent sachant, sentant, qui savent. Moi, j'en ai une petite fille de 17 ans, puis elle est tout bonne, parce que je ne l'ai jamais brimée, là. Elle a ses réponses. Mais nous autres, on a été constamment infirmés, diminués. Mais l'individu qui doit passer à cette espèce de savoir. Le savoir n'est pas aussi loin qu'on pense. Le savoir est bien plus proche. Le savoir est bien plus proche de l'homme qui pense, puis l'invisible est bien plus proche de l'homme qui pense. Ce qui fait que le savoir est loin de l'homme ou que l'invisible est loin de l'homme, c'est parce que l'homme est assujetti d'une façon terrible à des mécanismes de réflexion personnelle qui ont été créés par le monde extérieur, dans son mental, au cours de son évolution, de son éducation, ce qui a réduit à une totale impotence sa capacité de savoir qui c'est. L'homme, c'est un être de lumière. L'homme, c'est un être psychique. Mais quand t'es petit gars, 7, 8, 9, 10, 15 ans, puis tu dis au professeur, « Ah, oh, je sais ça. » Puis le professeur dit, « Hey, t'attendras à l'université pour savoir ça. » Qu'est-ce que tu veux? Fait que tu viens que t'arrives à 20, 25 ans, t'as le pipi long de main. C'est pour ça que c'est difficile pour l'homme de reprendre conscience, puis que ça prendra une initiation solaire pour le faire. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que savoir, c'est simplement une question d'affirmer, tout simplement, une personne qui affirme? Savoir, c'est canaliser une vibration à partir du plan mental, puis la faire passer à travers ta parole pour le bénéfice du monde extérieur. Un homme qui sait n'est pas intéressé à ce qu'il sait. Savoir, c'est jamais pour toi. Ça suppose que l'autre ne sait pas. Ça suppose que l'autre ne sait pas, fait que tu l'infères. Mais savoir, ça, savoir, c'est jamais... Un homme qui sait n'a jamais soif. OK, si je vous parle, puis que vous savez, oui. Puis que ce que je sais, je veux vous l'affirmer. C'est inutile de vous l'affirmer, vous le savez. Parce que vous savez. Fait que deux êtres qui savent ensemble, quel genre de conversation que ça fait. Ils parlent de d'autres choses! Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est que si un être qui sait doit parler son savoir à quelqu'un qui sait pas, deux personnes savent, là, je sens le test arriver, là. Vous avez toujours deux... Il y a toujours deux taux de vibration. Ouais. Moi, j'ai mon taux vibratoire, vous avez votre taux vibratoire. OK. Bon. Bon, à cause de mon taux... Bon, supposons qu'on parlait des alephes. On peut parler des alephes? Ouais. Bon, on peut parler des alephes. Bon. Qu'est-ce que c'est un aleph? Bon. Si on commence à parler des alephes, mon taux vibratoire va probablement me permettre de parler des alephes avec beaucoup plus d'amplitude que vous. Okay. Mais votre taux vibratoire va vous permettre de comprendre instantanément ce que je dis. OK, donc... Fait qu'à ce moment-là... Le mouvement de sortie de l'information, le mouvement d'entrée d'information, c'est le plaisir que nous deux ensemble on peut avoir à parler des élèves. À part de ça, parler des élèves, ça nous donne quoi? Ouais, qu'est-ce que ça va changer dans ma soirée de parler des élèves? C'est vrai que c'est pas évident. T'sais? Ça change absolument rien. La seule chose que ça va faire, c'est qu'évidemment, ça va lever notre taux vibratoire. Ça va lever le taux vibratoire. Puis si on va très, très loin dans les mystères de l'île centrale du paradis, ben à ce moment-là, ça va devenir une conversation intéressante. Mais ça va me donner quoi? Absolument rien. Ça va avoir fait simplement vibrer mon corps mental, puis vous, ça va avoir fait vibrer votre corps mental. Mais ça va avoir donné ça. Ça va avoir donné rien que ça. Mais rien que ça, ça fait quoi? Bon, mais rien que ça... Pour le moment où on le fait, c'est le fun. Parce que disons qu'on a 10 minutes pour le faire. Okay, mais après ça, on peut retomber et dire, bon, ça va-tu jouer au bowling? Ouais. Okay. Mais le monde, c'est pas le même. Le monde, s'il commence à parler des alephes, c'est fini. Ils vont rester des alephes puis ils vont oublier de jouer au bowling. Okay. Parce qu'ils sont pas capables de vibrer à un niveau supramental élevé puis descendre dans la rue puis jouer au bowling. Ils sont accrochés parce que sont spirituels, ils sont astrales. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas intéressant de parler des élèves avec des gens qui sont trop intéressés à savoir ou à connaître l'invisible, puis l'infinité, puis l'intemporel. C'est intéressant de parler des élèves avec des gens qui sont pas intéressés de parler de ça, mais qui peuvent en parler pour qu'ensemble, on fasse simplement vibrer l'énergie, puis qu'on voit jusqu'à quel point notre énergie va nous amener dans la discussion. Puis après ça, elle va couper net. Puis dans une autre semaine, mais on peut continuer encore, puis ça va encore plus loin, parce que ça fait partie de la conscience créatrice d'explorer les mystères anyway. Okay, mais c'est comme respirer. C'est comme si ces gens-là ne cherchaient pas à accumuler de la connaissance. Là. Ils font simplement vivre une vibration. On doit vivre seulement la vibration, alors que l'homme, lui, il veut accumuler la connaissance. Okay. Accumuler la connaissance, ça fait partie encore de l'inquiétude, de l'insécurité de l'ego, du fait que l'ego n'est pas capable de savoir, de sentir, puis de se prêter à la réalité de lui-même. Qui sait? Mais on ne pourrait pas donner à l'ego une raison de vibrer quand il parle de ces choses-là? Raison de vibrer? Ouais, disons, on dirait, bon, ben écoute, quand tu parles de ça, tu vibres, puis quand tu augmentes ta fréquence, ben ça donne ça. Puis l'ego serait content, il dirait, bon, ben quand je fais ça, ben ça fait ça. Ça donne tel résultat. Ça, c'est intéressant si vous voulez enseigner la mécanique de ça à quelqu'un. Par contre, éventuellement, ça devient plat. OK. Tu sais, enseigner la science occulte de la vibration, c'est bon dans un cadre donné, là, tu fais ça, mais tu peux pas faire ça tout le temps. Sans ça, tu te viderais. C'est parce que je vous pose la question, c'est parce que souvent les gens nous disent, j'aimerais ça parler et exprimer avec savoir quelque chose. Mais je suis pas intéressé à savoir des choses qui ne règlent pas ma vie matérielle ou ma vie de tous les jours. Donc, ils restent fondamentalement toujours dans des créneaux psychologiques parce qu'ils peuvent pas... D'un côté, ils sont intelligents, d'un côté, ils ne sont pas. Okay. D'un côté, ils sont intelligents parce qu'ils s'occupent de ça. Au moins, ils sont pas trop flyés. Puis par contre, ça les empêche d'aller plus loin puis de pouvoir utiliser. L'homme devrait être capable d'aller, de rentrer dans l'infinité de son mental puis de rentrer aussi dans la finitude de son mental. L'homme devrait être capable de regarder dans les grandes zones intemporelles puis travailler puis parler ou s'occuper de regarder là-dedans puis aussi s'occuper de son steak puis de sa job puis l'éducation de ses enfants. L'homme, si l'homme était complet, il serait comme un chêne, il aurait une tête très très haute, des racines très profondes. Cinq des racines, éventuellement, puis t'as pas de tête, éventuellement, tes racines vont se geler, ils vont se fossiliser. Fait que là, tu vas t'intéresser à la matière. Si t'as rien de la tête, t'as pas de racines, mais éventuellement, tu vas flyer, tu vas rentrer à Grande Bâtisse. Comprends-tu? Oui. Fait que ça prend les deux. Donc, les gens qui disent, ah ben moi, je me retiens loin de ces affaires-là, c'est trop flyé, je m'occupe de mon computer, d'accord. Mais un jour, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose dans la vie où tu vas avoir besoin de sortir un petit peu de ton computer pour voir comment est-ce que ça marche la vie. Puis c'est pour ça que les hommes, les gens souvent ont des chocs dans la vie. Mm. Le gars qui est alcoolique, il a un accident, puis après ça, il décide mort. Mais l'homme conscient devrait être capable d'aller dans les hautes sphères puis descendre dans les basses sphères. Elle est là, la vie. C'est là que la vie devient intéressante. Mais tu peux pas être là-dedans tout le temps. Moi, je suis pas intéressé de parler de l'occulte tout le temps. Il y a des fois que j'aime ça parler d'affaires. Ici, là. Oui, oui. Des cartes de crédit. Puis des fois, je suis tanné de parler des cartes de crédit. J'aime ça retourner là-dedans. Fait qu'il y a un mouvement de haut en bas. Autrement dit, ça fait partie de la grande élasticité de l'esprit. Ça fait partie de la vibration de l'homme. Ça fait partie de sa conscience. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des moments dans la vie où tu peux parler réellement de la vie dans sa grande profondeur mécanique, occulte, cosmologique. Puis il y a des moments dans la vie que tu parles du citron puis de l'eau. Mais dans votre déplacement, là, entre les hautes sphères et le plan matériel, vous êtes capable de valider tout le déplacement, vous, dans votre cas. Mais ça fait partie de la conscience. C'est ça de la conscience. C'est l'équilibre entre la matière et l'invisible. S'il n'y a pas d'équilibre entre la matière et l'invisible, tu peux pas être consistant dans ta vie. Tu peux pas contrôler ta vie. Parce que quand je dis valider, il faut bien faire comprendre que le matériel, pour bien des gens, c'est une réalité, c'est tangible. Mm-hmm. Mais pour vous, le psychique, c'est aussi tangible que le matériel. Ah, bien, effectivement. Bon, mais c'est ça le problème, c'est que les gens qui vivent dans le plan matériel sont pas capables de reconnaître un aspect tangible au psychique. Le psychique, en tout cas dans mon cas, le psychique est beaucoup plus concret que le matériel. Parce que le psychique, je suis capable de parler avec, je suis capable de faire des jokes avec, je suis capable de le voir, C'est un autre monde, le psychique. Donc, c'est un monde qui est beaucoup plus tangible parce qu'il est beaucoup plus réel que le matériel. Le matériel est très éphémère, le psychique est éternel, il ne change pas. Il est toujours là. Tu te réveilles à 3 heures du matin, moi, comment ça va? Il te parle, tu sais. Tandis que le matériel, peut-être, il n'y a pas de lumière dans la chambre. Tu ne le vois pas. Tandis que la personne qui se réveille, qui n'est pas vous, là, mais qui se réveille dans la nuit puis ça lui parle dans la tête, a l'heure de se réveiller pour aller travailler. Oui, parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient de son énergie, de sa réalité. Comme s'il n'est pas assez connecté entre l'esprit et le matériel. Il n'est pas assez connecté, ça. Il y a un manque de fusion entre les énergies. L'esprit, là, il est trop dans l'âme, il n'y a pas assez d'esprit. L'esprit est capable de connecter avec l'âme et la matière. Avec l'ego, ça fait une unité totale. Si l'homme n'a pas assez d'esprit, qu'il n'a pas assez d'intelligence créatrice, c'est seulement de l'âme avec l'ego, à ce moment-là, mais il vit une vie comme on vit sur la Terre. Il vit une vie qui est toujours sujette demain matin à te péter des mains. C'est fatiguant, ça. Le psychique, lui, il nous donne pas cet état-là. Le psychique, il donne de la contenance, de la continuité, de la perpétuité, puis ça n'a pas de fin. Il supporte tous tes gestes. Il supporte tout parce qu'il est à l'origine de tout. C'est le naturalisé qui est à l'origine de tout. Donc, étant à l'origine de tout, il est ton futur. Il est ton avenir, puis il est ton présent, puis il est ton passé, effectivement. Bon, dernière question. Comment on peut toucher à ce psychique tout en restant les deux pieds sur la terre? Y a-t-il une formule magique pour ça? Il n'y a pas de formule magique pour rien. Mais, faut apprendre lentement, rigoureusement à être toujours plus intelligent que la vie. Que les événements de la vie? Ah. Faut toujours se protéger contre la souffrance à n'importe quel prix. Puis ça, on a une grande lacune là-dedans parce qu'on a des émotions. On n'est pas capable, on n'a pas la volonté pour se couper d'expériences qui, on sait, peuvent nous créer de l'ambiguïté dans la vie. Puis c'est ça qui crée tout notre pattern, c'est ça qui crée notre karma, notre existentiel, notre incertitude, on est trop assujetti aux autres. On est trop assujetti aux opinions, on est trop assujetti à ce qui est à l'extérieur de soi. On ne vit pas suffisamment par rapport à notre centricité.